heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Douceur et Confidence. Aujourd'hui, je reçois Adrien, un artiste coup de cœur, un jeune artiste aux multiples talents. Vous pouvez le découvrir du dimanche au mardi, donc dimanche, lundi, mardi, à 19h30 sur la scène du Théâtre du Grand Point Virgule à Paris, où il interprète son spectacle interactif, Le piano perd les pédales. Vous avez pu le voir aussi sur la scène de The Voice et également dans différentes comédies musicales, dont Résiste. Bienvenue Adrien, je te remercie en tous les cas d'avoir accepté à nouveau mon invitation et j'espère qu'on aura beaucoup moins de blagues techniques que la dernière fois, mais avec les faits, on peut s'attendre à tout. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup de cette invitation, je suis ravie. Alors tu es chanteur, tu es danseur, tu es musicien, tu es comédien, on découvre toutes tes facettes en fait dans ton spectacle Le piano perd les pédales. Et comment est né ce spectacle ? Parce qu'il est mis en scène par Alex Good. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née cette aventure ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est né de ma rencontre avec Alex. Alex, il m'avait vu sur Résiste, où il m'avait vu dans plusieurs rôles différents, parce que j'avais plusieurs rôles différents sur Résiste. Et après, on était tous les deux jurés d'un concours de chant. Et donc voilà, on a passé la soirée, on était à côté, donc à juger forcément, enfin j'aime pas trop ce mot juger, mais évaluer, voilà, évaluer les talents qui passaient devant nous. Et donc bon, on s'est bien marré, on partageait nos avis, on partageait nos points de vue, et on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, et on s'est revus, on est devenus potes, et l'été dernier, on s'est dit, allez, on écrit un spectacle. Et on a commencé à écrire un spectacle avec... ce concept un peu fou de donner la parole aussi aux spectateurs et donc de faire un spectacle interactif où le spectateur a toute sa place dans l'écriture du spectacle. Et donc voilà, le spectacle est né cet été. On a été assez vite dans la création. On a beaucoup travaillé jour et nuit, mais voilà, je suis super content du résultat et maintenant j'ai la chance d'être sur la scène du Grand Point Virgule, alors je suis hyper content. Et alors, tu aimes les défis parce qu'effectivement, comme tu le disais, tu sais jamais ce qui va se passer chaque soir, en fait. Vous avez fait une présélection de choix musicaux, mais le public a son téléphone, a téléchargé l'application et sélectionne, en fait, ce qu'il a envie de voir. Donc, chaque soir est unique. Exact. Ouais, le spectacle est, comme vous le disiez, interactif. En fait, le spectateur, quand il entre dans le théâtre, son téléphone se transforme un peu en télécommande. Et c'est avec cette télécommande, chaque spectateur peut choisir ce qui va se passer. Alors ça peut aller de tout et n'importe quoi, ça peut aller à des chansons que je vais chanter, qu'est-ce que je vais danser, qu'est-ce qui va se passer sur scène, est-ce qu'il y a des gens qui vont monter sur scène avec moi, même comment je vais me coiffer ou comment je vais m'habiller. Donc vraiment voilà, le spectateur a toute sa place et c'est vrai qu'effectivement c'est un challenge pour moi parce que quand j'arrive au théâtre, je ne sais pas ce qui va se passer le soir. C'est la découverte en live, donc voilà, j'arrive tout le temps un peu plus tôt au théâtre et je me dis, ok, qu'est-ce que je répète, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que j'essaie d'améliorer, machin, et je sais pas parce qu'il y a trop de choses. Alors effectivement, il y a une présélection en amont, c'est un challenge et je crois que effectivement les challenges m'animent. Mais ça vient d'où ? Cette passion de challenge. Et des défis. Mais je sais pas. Je sais pas, peut-être que dans une autre vie, j'étais un chevalier qui aimait bien les tournois et les joutes d'épée. J'aime bien cette époque du Moyen-Âge, alors je me dis que peut-être que ça me vient de là. Mm-hmm. Et que représente pour toi la musique ? La musique ? La musique, ça représente tout. La musique, c'est inconscient. Pour moi, la musique, c'est vraiment partout. Je me réveille avec de la musique. Je prends ma douche avec ma musique ou je prends mon bain avec de la musique. C'est plutôt de la musique calme quand je prends un bain et plutôt de la musique qui bouge quand je prends une douche. Je mange en musique, je joue en musique, je fais tout en musique. Et alors, du coup, si tu devais choisir quatre chansons, là ? Quatre chansons, je dirais quoi ? Je dirais une que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est dans le spectacle, c'est SOS d'Intérieur en détresse. Ouais. Très belle chanson. Oui, que j'aime vraiment beaucoup, qui a été chantée par plein de gens, mais très très belle chanson. Après, dans mon top 4, qu'est-ce que je mettrais ? Je mettrais Il jouait du piano debout, mm-hmm. de France Gall et Michel Berger. J'ai eu la chance de travailler avec France Gall dans la comédie musicale Résiste, Et en fait, j'ai carrément redécouvert les chansons, les paroles surtout, les paroles de Berger et France Gall, qui sont hyper actuelles en fait. C'est des chansons qui ont été écrites à un petit moment. Et voilà, quand on entend Il jouait du piano debout, des chansons comme Résiste, qui sont hyper actuelles, les paroles, c'est une vraie philosophie de vie, ces paroles. Mmh. Alors j'aime beaucoup toutes ces chansons, mais j'ai un petit faible pour Il jouait du piano debout. Et qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Un peu plus actuel, j'aime bien en ce moment, j'aime bien Angèle. Est-ce que vous connaissez Angèle? Oui. J'aime bien Balance ton quoi de Angèle. Pourquoi, justement? Parce que c'est parler de choses un peu piquantes, mais avec une douce mélodie. Mm-hmm. C'est Balance ton quoi. Et les paroles sont un peu. C'est un peu vulgaire. C'est des gros mots, mais avec une jolie mélodie et une belle douceur. Alors je trouve ça plutôt sympa de faire passer les messages comme ça. Voilà. Et une quatrième. Quatrième, je pourrais dire une chanson que je fais dans mon spectacle qui s'appelle La vie est un jeu. Mmh. C'est une chanson de moi. Super, tu peux nous en faire un petit extrait? Eh ben oui, je peux vous en faire un petit extrait. J'ai justement amené mon petit ukulélé. Je prends mon petit ukulélé. Pourquoi vivre sérieusement? De toute façon, personne n'en sort vivant. Avez-vous bien remarqué, vous les fées, que quoi qu'on fasse, on se fait couiller? À quoi bon se prendre la tête, franchement? Mieux vaut faire la fête. Arrêtons d'être malheureux, je vous promets que la vie est un jeu. Eh oui! Depuis ta naissance, ta vie n'a pas de sens. Tu pisses partout, mes papas et maman sont en transe. Chaque jour c'est la punition, ils doivent changer tes couches. Mais ils sont hypnotisés alors que t'attires les mouches. À l'école, Pythagore, la flûte et la philo. Surprise, c'est l'interro, allez debout au tableau. Des gens vont te conseiller tout un tas de métiers à la con. Mais qui était donc le conseiller de la conseillère d'orientation? La vie est un jeu. Une fois que t'as compris ça, bah tout va mieux. Lance les dés et avance. Si tu kiffes pas les échecs, tire donc la bonne carte chance. La vie est un jeu. Voilà. En parlant musique, quelle place a la créativité dans ta vie? Grande. C'est-à-dire? Sur une échelle de 0, 10, 0 étant pas de créativité et 10 étant plein de créativité, bah 12. Quelle place à la créativité? Grande, je pense. J'aime bien faire des choses nouvelles. Alors forcément, pour faire des choses nouvelles, bah, il faut créer des choses, puisque sinon, c'est pas des choses nouvelles. Donc voilà, je crois que j'essaie un peu de créer des petites choses un peu tout, que ce soit dans la musique ou, je ne sais pas, dans d'autres choses comme la cuisine, par exemple. Parlons-en de la cuisine. La cuisine, oui, c'est vrai que j'aime bien créer même des petites choses dans la cuisine. Alors, mes potes ne sont pas toujours d'accord et mes potes ne me laissent pas souvent cuisiner. Mais j'aime bien allier, je ne sais pas moi, un bon petit plat de pâtes avec des petits morceaux de chips pour faire un peu du croustillant. J'aime bien allier des choses qui ne sont pas alliables. Et donc, ça fait des mélanges bizarres, ça fait des chocs à pic. C'est original. Alors, chaque soir de ton spectacle, comme on le disait tout à l'heure, tu es face à l'inconnu par rapport au choix du public. Est-ce que c'est une façon de te poser finalement dans l'instant présent? Parce que t'as pas le choix que de t'adapter. C'est vrai que dit comme ça, oui, c'est un peu... j'ai pas le choix. C'est vrai que j'ai pas le choix. C'est vrai que généralement, quand je suis sur des spectacles... plus des comédies musicales avec une troupe, on est plusieurs comédiens, on a vraiment une rythmique à respecter, des envois de répliques, des tac au tac de rythme, et donc le spectacle est toujours exactement le même. Donc c'est vrai qu'il m'arrive parfois de réfléchir à ce qui va se passer après, d'essayer d'anticiper, d'essayer de me souvenir, c'est bon, je sais ça, ok. Alors que là, comme je sais pas ce qui se passe sur mon spectacle, je peux pas faire ça. Je peux pas anticiper, me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et quand je peux, il est déjà trop tard. Parce que quand je découvre ce qui va se passer, il se passe la chose. Donc il est déjà trop tard, je suis déjà dans l'instant présent. Et je peux pas faire appel au passé où j'avais essayé de faire appel au futur. Vous avez compris ou pas? Donc c'est vrai que j'ai pas le choix. Alors au début, ça me faisait un peu peur. Parce que c'était le grand saut dans l'inconnu. Et ça fait peur, Mais maintenant, je crois que j'aime bien. Maintenant, après avoir fait pas mal de spectacles, et ben maintenant, j'aime bien cette sensation de je sais pas ce qui va se passer. Donc, bon, on essaie de déconnecter les câbles et on voit ce qui se passe et on essaie de profiter un peu de l'instant présent. C'est une façon de lâcher prise ? Bah oui, c'est une façon de lâcher prise. C'est une façon de lâcher prise alors qu'au début était obligatoire. Enfin, j'avais pas le choix et maintenant je l'aime bien. Alors je l'accueille les bras ouverts, ce lâcher prise. Tu l'accueilles et tu trouves que c'est intéressant du coup ? Ouais, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est presque reposant dans l'effort parce que c'est assez physique comme spectacle. Mmh. Mais il y a un côté où pour le cerveau, c'est. Je dirais parce que mon cerveau, il est presque plus déconnecté quand je fais mon spectacle que dans la vie. Il est. Alors, je ne sais pas si je peux dire qu'il est presque plus au repos parce que bon, je suis à fond, je suis à 300%. Oui, on peut dire qu'il y a de l'énergie sur scène. Ouais, mais c'est vrai qu'il. Bah, je pense que oui, il est dans un lâcher-prise qui fait du bien. Et du coup, tu es vraiment là sur. Tu vis à fond ce moment mm-hmm. et cette communion aussi avec le public. Du coup, il y a un vrai moment de partage. Ouais, il y a un vrai moment de partage parce que effectivement, alors bien sûr, il y a une sorte, comme on le disait tout à l'heure, une sorte de structure avec pas mal de choix en amont, mais voilà, en fonction de ce que me disent les gens, des gens, de comment sont les gens, de si les gens sont démonstratifs ou pas. Parfois j'ai des gens qui montent sur scène, alors en fonction des personnes et des personnalités de chacun. Et faut que je m'adapte et c'est chouette parce que ça fait vraiment des choses différentes, des interactions différentes et un spectacle différent. Mais tu es très bienveillant avec les gens qui montent sur scène, ce qui est pas toujours le cas des artistes ouais. qui font monter le public ouais. À leur côté. Toi, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance et tu t'adaptes vraiment parce qu'il y a aussi des enfants. C'est un ouais. spectacle familial en fait. Ouais, carrément. Enfin, j'essaie toujours de me mettre à la place du public quand j'écris et quand je prépare des choses. Et je me dis que voilà, ok pour monter sur scène, mais à condition que ce soit effectivement bienveillant et que ce soit cadré, et que la personne ne soit pas laissée au dépourvu ou alors que ça ne devienne pas le bouc émissaire du spectacle. C'est vrai que parfois, parfois dans certains spectacles d'humour ou one-man show, les gens s'en prennent plein la figure et moi, j'aimerais pas faire ça. Donc je le fais pas à mes petits spectateurs, qu'ils soient petits ou grands. Et est-ce que tu es du genre à regarder dans le passé ou à te projeter dans le futur ? Depuis un petit moment, je regarde plus trop dans le passé. Mm-hmm. Avant, je le faisais dans tous les aspects de la vie. Mais depuis un petit moment, je me projette. Enfin, je regarde plus trop dans le passé. Enfin, j'ai un peu cassé mes rétroviseurs, je me dis bon, ça sert à rien. Et oui, forcément, je me projette dans le futur, parce qu'en plus, mon métier veut un peu ça, comme voilà, j'ai des projets qui ont une date de péremption. Je dois toujours anticiper un peu ce qui se passe après. Et puis s'organiser. Et puis, ouais, s'organiser, même si c'est quand même très dur. Voilà, j'ai très peur que des potes m'annoncent leur mariage le jour où je suis en spectacle ou des choses comme ça. Ça me fait très peur, des choses qui me font très peur, parce que je sais que je ne pourrais pas me libérer. Donc, pour l'instant, ça va. J'ai été le témoin de ma meilleure amie et ça a collé pile un jour où j'étais off. C'était alléluia. Je regarde toujours dans le futur, mais j'essaie, c'est vrai, de plus en plus profiter du présent. Parce que sinon, si on ne profite pas du présent, ça sert et à rien de regarder dans le futur et à rien de regarder dans le passé. Et du coup, ton spectacle Piano Perlipédale te permet, on y revient du coup, à te poser et à profiter de l'instant présent. Ouais, c'est vrai. Ah bah dit comme ça, ça me fait sourire et j'ai hâte d'aller jouer ce soir. La magie a aussi une place importante dans ta vie. Raconte un petit peu comment tu es venu à cet univers de la magie. La magie, moi j'ai toujours bien aimé ça. Déjà, je trouve que j'aime bien le mot magie. Ça fait penser à des choses joyeuses et positives. Bon, ça me fait tout de suite référence à la magie de Disney ou à la magie de choses qui sont positives. Et quand j'étais petit, avec ma famille, j'allais souvent à l'île de Ré. Et à l'île de Ré, il y a un petit marché à Ars-en-Ré. Où on allait avec mes parents. Alors, il y avait ma mère et ma sœur qui allaient faire les petites boutiques d'habits, machin. Et avec mon papa, on allait se poser devant un stand de magicien. Et donc un petit magicien voilà, qui était tous les jours là et qui faisait une dizaine de tours. Moi, je connaissais ces 10 tours par cœur. J'adorais, j'étais fan. Mon papa m'achetait un petit tour de magie chaque été. Du coup, ouais, j'avais la petite panoplie du mini magicien. J'étais trop content. Et ben voilà, je crois que c'est ça qui m'a donné un peu le goût de la magie. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec Alex Good, qui lui aussi, il produit des shows de magie à Las Vegas. Donc, il a travaillé avec pas mal de magiciens. Et ben ça a pu se on s'est bien entendu sur ça aussi, donc ça a pu concrétiser mon envie de magie, et donc on a pu ajouter des petites touches magiques au spectacle aussi. Tu parlais de l'univers Disney, ouais, tout à l'heure. Tu fais du doublage également, ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans cette façon de jouer qui est différente de jouer sur scène? Oui, carrément, le doublage, c'est hyper différent. C'est assez technique, le doublage, parce qu'il faut à la fois être comédien pour se mettre dans la peau des personnages qu'on voit à l'écran, et à la fois c'est technique parce qu'il y a un rythme à respecter, il faut caler des mots sur des battements de bouche, donc c'est assez technique. Mais à la fois aussi, c'est pas mal sur le moment. C'est pas mal, un travail sur le moment. Il faut voilà, en fait ça se passe dans des grands studios où on écoute la voix originale, donc ça peut être de l'anglais, du japonais, du norvégien, n'importe quoi, et après il faut du coup faire coller les mots en français sur les paroles anglaises, sur la bouche, le phrasé original. Et donc c'est rigolo parce qu'on écoute une trentaine de secondes d'un passage en version originale, et boum, après silence dans les studios, le film reprend, on a les paroles qui passent, et voilà, il faut y aller, il faut donner une voix au personnage, il faut donner son intention, et donc c'est aussi beaucoup sur le moment, il faut vraiment déconnecter, être bien et efficace sur le moment. Donc voilà, j'aime bien pareil, c'est un petit challenge encore. C'est un petit challenge chaque jour, parce que quand on arrive sur un plateau, on ne sait pas forcément ce qu'on va doubler. On le découvre sur le moment. Et donc voilà, c'est plein de petits challenges rigolos. Et j'ai la chance de faire du doublage d'êtres humains, hein, dans des séries ou des films, et aussi de dessins animés. Donc là, ce qui amène encore plus de folie dans le doublage, parce que parfois, il m'arrive de devoir donner une voix à une chaise, à toutes sortes d'animaux bizarres... Ils sont très créatifs, les scénaristes de dessins animés. Et donc voilà, ça fait donner des voix à des êtres étranges. Tu peux nous faire quelques extraits de voix que tu affectionnes? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'est-ce qu'il y a comme voix connue? Est-ce que vous reconnaissez ça? Le maître ne veut pas que Frodon prenne l'anneau. Est-ce que vous avez reconnu cette voix? C'était Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ou alors, qui est très proche de la voix de Stitch d'ailleurs. Stitch, c'est. When I signify family, Stitch. Voilà. Mais sinon, il m'arrive de faire des petits garçons. Alors, du coup, là, j'essaie de prendre une voix un peu plus. Hey, maman, tu viens, on y va? Ouais, ok. Ou alors des monstres un peu plus gros, genre. Salut, ça va? Ouais. Et du coup, jouer sous toutes ses formes, que ça soit finalement en doublage ou sur scène, est-ce que c'est un moyen de garder son âme d'enfant éveillée? Ah bah oui, carrément. Ah bah oui, carrément. C'est sûr que c'est un gros moyen de garder son âme d'enfant éveillée, mais faudrait que tout le monde garde son âme d'enfant éveillée, parce que c'est important. C'est important et... Pourquoi c'est important? Parce qu'un enfant, il connaît pas encore tous les problèmes du monde. Alors du coup, bah, il voit les choses positives, il est content. Et il s'émerveille. Oui, il s'émerveille. Il voit plus la magie que quand on a des problèmes qui nous voilent un peu la face, je pense. Et donc du coup, c'est important d'avoir toujours cette petite âme d'enfant qui te dit « Hey, c'est quand même cool, hein. Hey, regarde, allez, viens, je t'emmène. » Et du coup, est-ce que ton petit Adrien te parle? Et si oui, que te dit-il? Oh ouais, on se parle avec mon petit Adrien, on se parle, on se fait des petites discussions, on se fait des petits chèques de temps en temps, et on se dit... ouais, moi je lui dis, t'inquiète mec, tu verras, après on fera notre spectacle et tout, ça sera cool. Viens, dépêche-toi de venir. Okay. Et je te ferai une place. Je mettrai même une peluche sur scène. C'est vrai. Il y a ton ours. Il y a mon nounours sur scène qui me suit. Mon petit Michel, adoré qui me suit sur toutes mes scènes. Il me rassure quand je vais pas bien. Je vais vers Michel et ça me, ça Ça me rassure, il est toujours là. Et alors, comment tu parviens à te ressourcer? Parce qu'on peut constater, au vu de cet échange, que tu es quand même hyper actif. Oui, c'est vrai, on peut constater. comment j'arrive à me ressourcer? Je sais pas, je mange beaucoup de pommes. Je mange beaucoup de fruits et de pommes. Du coup, je l'ai même mis dans mon spectacle. J'ai même mis un numéro avec des pommes dans mon spectacle. Non, mais je sais pas. Tu fais du sport? Oui, je fais beaucoup de sport. Je fais du coup pas mal de danse. Je fais pas mal de sport de combat. Je fais beaucoup de sport de combat. Qu'est-ce qui t'attire dans les sports de combat? Qu'est-ce qui m'attire? Quand j'étais petit, j'étais fan de Dragon Ball Z. J'étais fan absolu de Dragon Ball Z. Et du coup, je le regardais dans ces championnats d'arts martiaux. J'étais, oh là là, je veux trop faire ça. Et un jour, j'ai commencé par faire du Penchaxilat. Un art martial vraiment très chouette, où il y a un côté un peu un peu scénique ou avec des espèces de présentations, ouais. et un côté plus concret, voilà, où vraiment un peu fight, voilà, pour faire le bonhomme et pour faire le gaillard. Et après j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du kung-fu, du karaté, j'aime bien le lâcher prise dans le contrôle qu'offrent les arts martiaux. J'aime bien. Et le yoga? Le yoga, j'en fais pas souvent, mais j'ai pas mal d'amis qui en font beaucoup. J'ai même des amis qui sont profs de yoga, donc qui m'invitent de temps en temps À leur cours, où j'y vais avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je découvre. Et ce que j'aime bien dans le yoga, c'est que à chaque fois que j'y vais, alors je sais pas trop à quoi m'attendre à chaque fois, parce qu'il y a plein de yogas différents. J'ai découvert ça aussi, plein de yogas différents. Et ce que j'aime bien, c'est il y a vraiment une espèce de alors au début, parfois c'est un peu bizarre, parce que parfois on doit faire des positions un peu bizarres, on doit faire des sons un peu bizarres, ou voilà. Mais au bout de 5 minutes, t'as une espèce de bulle qui se crée autour de toi. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien prendre des bains pour être dans ma bulle, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bulle d'eau qui se crée autour de moi pendant le yoga. Et ça fait un petit moment de bien-être assez sympathique. Et la méditation? La méditation, pareil, j'en fais pas souvent. Mais je devrais en faire plus souvent. Enfin, peut-être que j'en fais inconsciemment. Mmh. Inconsciemment. C'est pareil, il y a plusieurs formes de méditation. Ouais. Il n'y a pas que la méditation en position du lotus. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. On peut faire du... Moi, par exemple, je médite dans le métro, alors c'est des méditations très courtes, ouais. Comme je peux faire des méditations beaucoup plus longues, des méditations guidées qui, elles, peuvent durer une demi-heure, une heure, voire plus. Il y a vraiment différentes formes. Mais peut-être que quand tu es dans ton bain, tu te détends. Ah, peut-être. Peut-être que tu es en forme méditative. Mais c'est vrai que j'ai du mal à déconnecter du rush un peu de la vie et du boulot. Donc peut-être que la méditation pourrait m'apporter ce cassage de rythme. Donc il faudrait que j'en parle. Peut-être que je pourrais en parler aux fées. Oui, les fées, elles peuvent t'accompagner. Peut-être qu'elles peuvent m'aider dans Te donner quelques petites méditations à tester. Ouais, carrément. Qui est Adrien? Adrien? Je sais pas, c'est moi. Bonjour. Adrien, c'est un petit gars qui ne vous veut aucun mal, qui au contraire vous veut du bien, et qui sourit à la vie et qui essaie de partager des sourires avec les gens. Du coup, j'en ai fait un spectacle où j'essaie de partager des sourires. Le pari est gagné. C'est vrai. Alors je suis le plus content du monde. J'ai eu la chance de pouvoir voir ton spectacle plusieurs fois. Ouais. À chaque fois, c'est un spectacle différent. Et vraiment, c'est un très beau spectacle. On ressort joyeux. Alors je suis le plus heureux du monde d'avoir cette remarque. Merci beaucoup. Tu te sens à ta place maintenant, parce que quand on avait échangé il y a plusieurs mois, ouais. Tu m'avais parlé un petit peu de ton parcours. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut y revenir? Ouais, bien sûr. Mon parcours, j'ai une famille qui est pas du tout, artiste. Donc j'ai une famille pas très artistique. Et du coup, quand j'ai voulu faire ça, ils étaient pas hyper enthousiastes, hyper emballés, on va dire. Et donc j'ai fait des études plus classiques que ça. J'ai fait euh, J'ai fait du coup un bac ES, après j'ai fait une licence de sciences économiques, sociales et politiques, rien à voir. Et après j'ai fait une prépa pour les écoles de commerce. Alors je suis allé passer mes écrits d'école de commerce et j'avais passé quelques euros. Et je crois que le troisième ou quatrième que je suis allé passer, je crois que c'était à Audencia à Nantes. Et alors j'arrive avec mon dossier tout prêt, tout était prêt, j'avais bossé mon truc, j'étais prêt, j'allais passer mon entretien. Et là, au moment où ils allaient m'appeler, bah, y a une discussion avec moi-même qui s'enclenche. Je me dis, mais attends, Adri, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais rentre! Et je suis parti. J'ai pas passé mon oral. Je suis rentré à Paris. Je me suis inscrit au cours Florent. Donc, une école de théâtre, cinéma à Paris. Et j'ai commencé, j'allais dire ma nouvelle vie ou alors ma vraie vie. Ma vraie vie. J'ai commencé ma vie artistique. Donc, j'ai fait plein d'études artistiques à droite, à gauche. J'ai fait les cours Florent en théâtre, cinéma et comédie musicale. Et après, bon, là, j'avais un peu la rage d'avoir, entre guillemets, perdu du temps. Et donc, du coup, j'avais soif de me nourrir partout. Et donc voilà. Et j'ai eu la chance assez vite d'être engagé sur des comédies musicales ou des projets. Donc, j'étais hyper content et j'ai commencé ma vie artistique. Et donc là, tu te sens plus à ta place? Et là, je me sens à ma place. Je me sens à ma place, carrément. Je me sens à ma place. Je suis content d'être là, alors qu'avant, non, je ne me sentais pas du tout à la place sur les bancs de la fac. J'étais... Non, même pour dire, à la fac, j'étais devenu le président du B2, tu sais, celui qui organise les voyages, les concerts, les sorties où on boit pas mal de champomis, tout ça. Et je pense que c'était ma manière de sortir, ma manière d'essayer de trouver un peu d'artistique à la fac, d'organiser des choses, des voyages, des machins. Mais non, oui, je me sentais pas du tout à ma place. Donc t'as appris à écouter ton intuition, du coup, parce que quand tu te retrouves dans cette salle et que tu te dis « qu'est-ce qu'on fait là ?», finalement, c'est tu t'es écouté. Ouais. Ouais, j'ai écouté ma petite... Ouais, j'ai écouté mon intuition. Oh, ça me fait réfléchir, ce que tu me dis là. Ouais. Et du coup, tu l'écoutes souvent? Eh ben... Ou tu laisses le mental prendre le dessus? Bah non, je l'écoute souvent. Mais je devrais même encore plus l'écouter en ces temps. ouais. Non, je l'écoute bien plus qu'avant. Mais c'est vrai que parfois, quand on est un peu dans le rush des décisions, parce que la vie s'est faite plein de décisions, ben on oublie de... Peut-être qu'on oublie de juste se dire « Attends, écoute ton intuition, qu'est-ce qu'on te dit là ?» Donc, mais oui, je lui laisse une plus grande place qu'avant. Mais merci pour cette petite question, parce que ça me permet de lui redonner une petite place. Comme on est dans une société très matérialiste, hein, en fait, c'est vrai que le mental prend beaucoup de place. Ouais. Mais on nous amène à aller vers un monde, vers une conscience différente, où justement, notre âme doit prendre plus de place, en fait. Mm-hmm. Et via l'intuition, c'est pas mal. De se faire confiance aussi, ouais, c'est un moyen de se faire confiance, ouais, sur nos ressentis. Du coup, tu rêves beaucoup, toi, la nuit, le matin, au réveil, est-ce que tu te rappelles? Je rêve beaucoup éveillé. J'aime bien m'évader dans des rêves quand je dors pas. Mais oui, je pense que je rêve beaucoup. Alors, je me souviens pas tout le temps de mes rêves ou de mes cauchemars. Hein. Mais je rêve beaucoup. Ça m'arrive quand même de beaucoup rêver. Et des rêves prémonitoires? Bah, prémonitoire, c'est-à-dire de rêver de choses qui vont arriver. Ouais, je crois, en quelque sorte. Par exemple, là, j'ai fait... Donc, cette année, j'ai fait The Voice. Mm-hmm. Et avant de passer à The Voice, il m'est arrivé de rêver de cette fameuse scène de The Voice, avec ce fameux Nikos, avec ces fameux sièges rouges qui se retournent ou pas. Et donc, c'est en quelque sorte, on peut dire que c'est un rêve prémonitoire. Mm. Donc, ça veut dire que oui. Et tu crois aux signes de la vie, à la synchronicité? Genre les petits signes, les petites mains tendues ou les petits signaux, ouais. Ouais, bah, après chacun fait ouais. son interprétation. Ouais, moi je crois qu'il faut... Après oui, effectivement, comme tu dis, chacun a son interprétation, mais, euh, Mais dans l'interprétation de chacun, il peut y avoir des choses ressenties comme des petits signes, comme des mains tendues, comme des panneaux signalisation avec un grand « ne pas passer » ou ouais, des panneaux directionnels. Ouais, moi, je crois que dès qu'il y a une petite chose, une petite perche, bah pourquoi ne pas la prendre ou pas, mais en tout cas, y faire attention. Et pour toi, qui nous envoie ces signes? Ah, bah ça, qui nous envoie ces signes? Je sais pas, c'est peut-être des dauphins qui nagent dans les nuages, ou alors des oiseaux à trois têtes, ou alors, je sais pas, des gens qui veillent sur nous depuis les nuages, mm-hmm. qui peuvent nous chuchoter des petites aides. Pour ma part, je crois qu'une grande partie des signes ouais. sont envoyés par les défunts. D'accord. Et d'autres par nos guides, les anges, les fées, ou tout simplement la vie. Mais quand même, de ce que j'ai pu constater de mon expérience, quand même pas mal les défunts. Justement, crois-tu à la vie après la vie? La vie après la vie. Ouais, j'aime bien cette tournure de phrase. Je trouve ça joli, c'est bien mieux que la vie après la mort. La vie après la vie, c'est joli. Bah oui, je crois à la vie après la vie. Alors, je sais pas ce qu'il y a après la vie, mais il y a forcément quelque chose, sinon bah, ça ne servira à rien, tout ça. Donc, il doit y avoir, je sais pas s'il y a un portail un portail galactique qui s'ouvre comme dans Stargate, ou je sais pas, et du coup on devient tous des martiens. Mais ouais, je crois à la vie après la vie. Et t'as déjà ressenti la présence, la communication d'une personne décédée que tu avais connue? Ou pas trop? La présence, non. Mais après peut-être que les petits signes de la vie ont un lien. Alors, pas une présence... Comme une présence, comme là je te vois. Mais oui, peut-être. Comme moi je peux les voir, en tant que ouais. médium, moi je peux voir des présences. Ouais. Ok. Et pour toi, du coup, que représente la mort? La mort. Ben, je me pose pas souvent cette question. J'ai pas encore prévu ça dans le planning. Dans le timing, ouais. Dans le planning, là, j'ai pas encore prévu. Mais la mort, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'elle représente? Si tu devais la définir? Oh là, je préférais la vie après la vie. Hein. Ouais. la mort, bah, c'est pas cool, forcément, c'est pas cool. C'est pas quelque chose de très cool, mais s'il y a une grosse fête après, c'est cool. ça peut être une transformation, un passage. Ouais. Aussi, tu vois. Mais du coup, ça nous dit bien que les liens de l'amour, comme je parlais des défunts tout à l'heure, les liens de l'amour ne se brisent jamais, finalement. T'en penses quoi? Ah bah oui, les liens de l'amour ne se brisent jamais. Je vais en faire une chanson, ça. Les liens de l'amour ne se brisent jamais. non, mais carrément, c'est sûr que les liens de l'amour ne se brisent jamais. Ils peuvent se cacher un peu ou être un peu oublié par les obstacles de la vie, mais ils sont toujours là. Si on déblaye, on les retrouve. On les retrouve, on creuse un peu et on retrouve la canalisation des liens. Donc oui, je crois en l'éternité des liens d'amour. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, on invente des mots. Si, c'est beau. Et l'amour? Oui. L'amour? C'est pour toi, c'est quoi? L'amour, oh bah l'amour, c'est trop cool. L'amour, c'est indispensable. L'amour, c'est moteur de plein de choses. Déjà, dans la musique, c'est moteur de plein de chansons. C'est moteur de plein de magasins de fleurs, de plein de bijouterie, de plein de... Non, je rigole. Non, bah, l'amour, c'est chouette. C'est un chouette sentiment qui réchauffe le cœur, et je pense qu'on en a tous besoin, on en a tous grand besoin, et il faudrait qu'il y en ait plus, un peu partout. Mais bon, il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir l'amour en ligne de mire, comme l'amour, je parle pas forcément de l'amour amoureux ou machin, mais enfin voilà, l'amour de la vie, l'amour de l'amitié, l'amour de plein de choses. On parle d'amour inconditionnel, et l'amour ouais. de soi. L'amour de soi, bah, s'aimer soi, ça portait de l'amour à soi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que si on s'aime mieux, on peut aussi attirer des amours plus respectueux? Est-ce que si on ne s'aime pas, est-ce que du coup, on rayonne ça, on transmet ça et on permet aux autres de nous malmener, peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, carrément. Bah, ça fait réfléchir, forcément. Mais oui, effectivement, je pense que l'amour de soi, ou en tout cas, oui, un peu l'amour, la confiance, ou ne serait-ce qu'être bien avec soi-même, peut-être, ça permet après de pouvoir être bien avec les autres. Et je pense qu'on peut pas... on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien nous-mêmes. Alors, je pense que c'est important déjà de faire ce petit ménage personnel là, et après de pouvoir partager toute une palette d'émotions avec les gens. Et tu parlais aussi de musique au niveau de l'amour, que tu y mettais de l'amour, et ouais, qu'il y avait aussi beaucoup de chansons. Je pense que c'est là où tu voulais venir, que l'amour était une thématique pour les artistes et les musiciens. On n'a pas évoqué, toi, quand tu crées une chanson, tu as un rituel, tu écris, tu composes, ou il n'y a pas de règles? Il n'y a pas trop de règles. Parfois, je suis avec ma guitare ou mon piano ou mon petit ukulélé et j'aime bien une suite d'accords, une mélodie. Et je me dis, oh, il faudrait que j'essaie de mettre des paroles dessus. Parfois, j'ai envie de parler d'un truc, et donc du coup j'écris un texte et après j'essaie de mettre une mélodie dessus. Il y a pas trop de règles. Je sais que il y a des chanteurs qui ont vraiment leur routine hyper précise, mais moi je sais un peu plus instinctif. Et du coup c'est fonction de ton humeur, parce qu'il y a des artistes pareil, ils ont besoin d'aller très mal pour créer. Mmh. Ouais. Oui, c'est vrai, on dit souvent que les plus belles chansons ont été créées par des artistes quand ils étaient dans la pire déprime absolue. Oui, c'est vrai que quand on est dans la pire déprime absolue, forcément, on a des idées, mais on a des idées sombres, donc on fait des belles chansons, mais des belles chansons tristes. Et pour faire des chansons joyeuses, bah, je pense qu'il faut être dans un bon mode. Et je pense que chaque émotion est, ou chaque sensation ou ressenti peut permettre... de créer des choses. Crois-tu aux vies passées ? Aux vies passées ? Tu parlais en tout début que tu aurais aimé vivre au Moyen-Âge. Ah oui, ça c'est clair. Est-ce que ça serait pas une vie passée qui... Dans ce cas-là, j'aimerais bien pouvoir y retourner. Pourquoi ? Peut-être. Parce que, alors moi, l'époque des chevaliers, je suis fan, quoi. Moi, je rêverais d'être sur un chevalier en armure avec une épée et un cheval. Là, je serais, mettez un cheval, une épée, une armure, je suis content. Moi, je fais ma vie comme ça. Non, mais j'aimais bien cette époque. Je pense qu'il y avait d'autres soucis, mais pas les soucis matériels qu'on s'est créés en ces temps. Je sais pas, j'aime bien cette époque. Alors peut-être qu'effectivement j'ai eu une vie passée en chevalier, mais en tout cas dans ce cas-là. Ah là là, viens me chercher un cheval et on va faire un tour, quoi. On arrive à la partie féerique de cet entretien. On parle beaucoup du bonheur. Qu'est-ce qui représente pour toi le bonheur ? Le bonheur ? Le bonheur, il représente plein de choses chouettes, plein de choses que j'aime bien, plein de sourires que j'ai dit déjà plein de fois. Mais j'aime bien ce mot. Et plein de joie. Donc le bonheur... Bonheur... Il faut l'accueillir, il faut le chercher. Mm-hmm. Et si tu avais une recette du bonheur à partager ? Ah là, je sais pas s'il y a une recette, mais en tout cas, essayer de faire des choses qu'on aime, de s'entourer des gens qu'on aime, de s'éloigner des gens un peu toxiques, ouais, ou trop asphyxiant. de partager des belles choses avec des gens qu'on aime, d'avancer vers de prendre les chemins qu'on aime, et ça fait arriver dans des situations qu'on aime avec du bonheur. Oser s'affirmer, se positionner, tu penses que c'est important? C'est important, c'est pas toujours facile, mais oui, c'est important. Mais on peut tout dire, en fait, je crois, si on le dit avec bienveillance, non? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, comme chaque personne est différente, chacun le réceptionne différemment. Donc oui, on peut tout dire avec bienveillance, mais toutes les paroles qui sont des clés ne rentrent pas dans les mêmes, toutes les serrures. Donc parfois, ça fait des échanges un peu plus compliqués. Et du coup, c'est vrai qu'il est parfois compliqué, surtout dans nos métiers. Et à notre époque, d'avoir des fois des réponses. Les gens n'osent pas, on a l'impression que les gens n'osent pas dire non. Ouais. T'as pas constaté ça ? Si. N'osent pas donner une réponse, et en fait, c'est parce qu'ils n'osent pas dire non. C'est pourtant simple de dire non, enfin, dire je peux pas, c'est pas possible, on peut le dire gentiment, et on fait gagner du temps à tout le monde, non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est sûr qu'on fait gagner du temps à tout le monde. C'est sûr. Mais oui, c'est vrai que, c'est... Après, oui, c'est dur de... Oui, non, je suis d'accord avec ce constat. Je suis aussi d'accord que de dire... Enfin, si on ne peut pas faire une chose ou dire une chose, dire non tout de suite, oui, ça fait gagner du temps. Mais ça, encore une fois, ça dépend des situations et de plein de choses. Mais... Mes amis, les jolies fées ont un message, alors un nouveau message à te transmettre. Acceptes-tu ? Ah bah carrément, avec plaisir. Donc je te donne les cartes, je te laisse les dispatcher et puis laisse-toi guider par ton intuition. Ok. Et choisis une carte, celle qui te parle, celle qui t'appelle. Ça marche. Alors, ok, alors je dois en prendre une, combien ? Une. Ok. Oh là là, une. Oh, attendez, je les dispatche bien. Hop, hop, hop. Et ben je prends celle-là qui se cache. Alors je te laisse nous lire. Le message. Soyez serein. Instaurez une ambiance apaisante afin de vous décontracter. Respirez profondément en prenant conscience que chaque partie de votre corps se détend. Visualisez un moment heureux de votre vie et dégustez-le. Chassez les pensées négatives qui pourraient interférer. Je pense qu'elles étaient bien là parce que vu notre discussion avant l'émission, ça correspond un peu. Ouais, ça correspond pas mal. Ouais, ouais. Ce dont tu aurais besoin. Ouais, là. D'être serein. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, de décontracter et tout ça, tout ça. Ouais, non, bah oui, bah merci les fées. Merci pour ce petit conseil. C'est ça, elle m'éclate toujours, moi, les fées, parce que on voit qu'elle veille sur ces échanges. Je suis toujours émerveillée de ça, de voir que c'est toujours parlant, on va dire. Tu as ta baguette de magicien, mais si tu avais une baguette de fée, à quoi te servirait-elle ? J'ai une baguette de fée. Elle me servirait, je pense que j'ai dit à peu près 34 fois le mot sourire depuis le début. Elle me servirait à mettre des sourires sur la tête des gens qui ne l'ont pas. Ce serait mon arme. Dès que je croise des gens pas sympas ou pas aimables, allez, un sourire obligatoire sur ta tête et il devient cool. Ou des gens, il y a des gens, ils n'ont pas le sourire parce qu'ils sont tristes aussi. Oui, bien sûr. Et bah, ça les aiderait. Aussi, tout à fait. Ça les aiderait. Mm-hmm. Oui, il y a deux catégories. On arrive à la fin donc, de douceur et confidence. Donc, je voulais vraiment te remercier de ta confiance que tu m'as renouvelée, de ces échanges. Tu es plutôt sincère et naturelle dans ta façon d'être. Donc, c'est très touchant. Ben, merci. La gratitude, c'est quelque chose d'important pour toi ? La gratitude, c'est-à-dire la gratitude ? La reconnaissance, le remerciement. Oui, carrément. C'est important. Remercier, dire merci. Et t'es plutôt démonstratif, pudique ? Non, je pense que je suis plutôt démonstratif. J'essaie de prendre grand soin de bien remercier les gens avec qui je travaille, mon équipe actuelle dans mon spectacle. Donc non, je pense que j'essaie en tout cas d'être démonstratif comme il le faut sur ça. Et voilà. Merci les gars. Ben merci à toi. Alors, je rappelle qu'on peut te retrouver le dimanche, le lundi, le mardi à 19h30 sur la scène du théâtre du Grand Point Virgule à Paris. C'est ça. Pour ton spectacle interactif, ton spectacle solo. ouais. interactif. Ouais. Le piano perd les pédales, hein, mise en scène par Alex Good. Ouais. Et je vous le conseille vivement, vous passerez un super moment parce que c'est, c'est un chouette artiste. Ah, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous, à toi et aux fées pour ce chouette moment féerique et lumineux et bienveillant. Merci beaucoup. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Douceur et Confidence.